Un jeune homme est allé voir un jour le rabbin de sa communauté et lui a dit « Rabbi, je n'ai pas la foi. »« Bon, et alors ?» lui a répondu le rabbin. « Qu'est-ce que ça peut faire ?» Le jeune homme insiste. « Non, mais je veux dire, la Bible, tout ça, je n'y crois pas. » « Et alors, qu'est-ce que ça peut faire ?»« Mais comprenez-moi bien, Rabbi, même Dieu, je n'y crois pas. » « Et alors, qu'est-ce que ça peut faire ?»« Mais enfin, Rabbi, cessez avec vos « qu'est-ce que ça peut faire ?»« Vous êtes rabbin tout de même !» Alors le rabbi lui a demandé, « Mais ça t'embête donc tant si tout ça n'existe pas ?»« Si ça m'embête, lui fait le jeune homme, mais ça me déchire complètement !» Et le rabbi lui a dit, « Eh bien, c'est exactement ça la foi !»